Oh, shmecky, well, see. comment être devenu dans leur rêve. Savoir ce qu'ils en restent encore, la réalité, tout ça. Ça fait peur comme le vertige peut faire peur. Et comprendre comment le culte peut rester caché en soi. Savoir